sur le flirt du 4 qui se gratte et qui se lasse. Ah. Thank you. 4 fois qu'on le répète avant que ça rentre. Là on est déjà à 2. Ouais, moi aussi, ça peut Bah, dis-toi, moi, c'est quasiment le même blaze qu'Al. Avec les lettres inversées. Pourquoi ? Ah oui. Pourquoi t'as décidé d'arrêter de connecter toi ? Arrête. Ah, ça va marcher ? Attends. Ah, C'est le flirt du cateau qui se... Comment t'es qui se... Ah, c'est... Putain, je l'appelle monsieur le mouvement, en fait. Check le master aussi. Enfin, le volume sur les... Ouais, non, c'est à fond. Ah ? C'est à fond. Je sais pas ce que j'ai fait. Attends, je vais regarder. J'espère que je l'ai pas bouvard. Après, il y a aussi un faux contact dans la basse, donc c'est possible que ce soit ça, mais... Ok, c'est ça. Thank you. Ouais, carrément. Là, je m'amuse avec deux trucs depuis tout à l'heure. Donc... Oh. Okay. Je vais m'en défoncer. Ouais, carrément. Ouais. Oh, la LST, la, ah, la progression cool, est bizarre. Ouais, ouais, de ouf. C'est vraiment chouette. Je ne m'attendais pas à réussir à improviser ouais, dessus bien. À peu près, mais non. Non, c'était vraiment chouette. Ouais. Tu gères comme d'habitude. Yeah. cases. Okay. J'ai eu deux cases il y a genre 7 ans. Ouais. Mais en vrai, ça s'achète toujours avec genre 80 balles. Je crois que c'est le synthé le moins cher que tu puisses acheter. Ouais, ouais. J'ai commencé à prendre l'enson, je pense que j'ai le niveau, mais du coup, j'ai commencé à les apprendre, j'étais en mode ok c'est cool, j'ai mis genre peut-être je sais pas, un deux jours pour genre tout déchiffrer et commencer à les taffer correctement. Après, j'ai pas vu le soleil pendant 3 semaines, et il faisait froid, ouais. Et il a gelé, et il y avait du verglas à l'intérieur de ma vitre. Oh waouh, oui. Et du coup, j'ai pas beaucoup joué de musique pendant 3 semaines. Ouais, t'inquiète. Genre, non, le truc de je me réveille, il est donc 18h, il fait nuit. Je souffle, il y a de la fumée dans mon souffle. Je suis donc dans ma chambre. Je n'ai pas joué de musique. Mais je suis à côté de République. Dans un appartement. Oui, je suis en appart dans un espèce de vieil immeuble sous les combles. Du coup, c'est genre c'est mal isolé. Ah ouais. Et avant, il y avait un radiateur, mais en fait, il est mort. Maintenant, le seul truc qui fait le radiateur, c'est qu'il vibre quand on fait tourner une machine à laver. Mais c'est tout. Au moins, ça rappelle quand il faut aller étendre le linge. C'est pratique. Mais ouais, du coup, il faut que je me refoute leur son en tête et que après je envoie un message pour leur dire. Il y a de ouf un monde où il y a quelqu'un d'autre déjà qui a été trouvé et où c'est. Enfin voilà, mais le truc qui est un peu chiant, c'est que genre, c'est pas le genre de musique que j'écoute, même si c'est super fun à jouer. Et j'ai pas envie de genre être là et pas être contente d'écouter les sons qu'on fait avec. C'est pour ça aussi que j'ai des doutes. Ouais, je capte. Genre j'adore la présence sur scène de Mara, mais genre je sais pas. Je pense qu'il faut que je m'habitue à son style de chant et tout. Mais pour l'instant, ça et les paroles, enfin c'est pas trop mon truc. Ouais, bon, après, si ça t'intéresse pas, t'es pas obligé. Hein. Ouais, le truc, c'est que les éléments sont super cool et musicalement, c'est une dinguerie. Genre, l'instru, c'est une folie. Bah ouais, moi je vais. Qu'est-ce qui te plaît pas? Je sais pas. Genre, tu disais les paroles, ça veut dire qu'il y a besoin de avoir quelques trucs qui te font tiquer. Genre, c'est juste le sujet qu'ils abordent où t'es un peu en mode balai couille. Non, c'est. Je sais pas. Je suis un peu là en mode. Ouais. Genre, je trouve juste les paroles pas incroyables. Genre, c'est fine et ça passe. Mais. Qui fait les paroles? Je sais pas. Je pense que ça doit être Mara. Mmh. I guess. Je pense. Après, c'est possible que genre Sandro aussi il écrive. Sachant que je n'ai aucune idée de comment écrire des paroles, donc je ne me permettrai pas de critiquer, juste. Après aussi j'écoute quasiment pas de son avec des paroles. Ouais. C'est aussi un moi problème beaucoup. C'est quoi le groupe? C'est Broken Face. Ok. C'est un groupe de quoi? Metal slash plein d'influences. genre il y a des trucs qui funk de baiser, il y a plein de trucs, c'est vraiment vibe prog. Genre la victoire, c'est genre les structures rythmiques des lignes de gratte et basse, genre c'est t'as un peu d'être là, d'être posé devant le morceau et d'avoir branché ton cerveau pour pouvoir comprendre comment il marche. Ouais, bah attends, je peux mettre un son sur ma synthé. On dirait numéro 3 de la Fix Twin. Ouais, c'est un. Ouais, de ouf. En bas, ce synthé est très à l'aise. Ouais. Aussi penser à genre au début, ça me faisait vraiment penser à R. Genre tous les sons, on dirait ça vous dit. Ouais, carrément. En fait, ce qui me saoule, c'est surtout que moi, j'arrive pas à m'enjailler dessus. Mais après, je pense que juste si je les écoute beaucoup, je vais finir. Par vraiment être dedans. Ah, comment ça t'arrives pas, genre comment, genre tu disais que genre t'aimes la musique ou pas, j'arrive pas à comprendre. Genre c'est cool, l'instru est incroyable, mais c'est pas ton groove quoi. Bah c'est pas du tout le style de chant auquel je suis habitué, c'est un truc qui est mi-parlé, très articulé, très genre très accentué sur les consonnes. Et j'ai l'habitude que le chant ce soit genre des nappes, mais on dirait un peu des synthés dans le fond. Ok, donc là t'es face à un parolier qui fait et sur la mer s'écoute le vent des paroles, des trucs comme ça avec beaucoup plus rythmique. Ah, plus rythmique. Okay. Ouais, non, mais genre son placement de voix il fait partie des instruments. Ouais, c'est ça le groupe. C'est ça le groupe. Ouais, ok. Ça, c'est le groupe. Ah, mais je pensais que c'était l'autre là. Allez, tu m'as okay. J'avais mélangé un million de choses dans la tête. Ah oui, je comprends dans ce cas-là. Genre les instruits, c'est une dinguerie en fait. C'est Fuck Me Nice, ouais. Ok. Elle t'a envoyé lesquels? Bah justement, ouais, Fuck Me Nice, Sunscars et La Victoire. Ouais.